Faire. Très bon début de soirée sur Fadjet, il est 18h. Et bonjour à tous, il est 18h, vous êtes sur Fadjet et aujourd'hui on a délocalisé Fadjet en Irlande, comme vous pouvez l'entendre, voilà, avec une musique typique des pubs de Dublin. Et parce que c'est la Saint-Patrick aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une spéciale Saint-Patrick. Donc tous mes chroniqueurs ont préparé des petites chroniques en rapport avec l'Irlande. Est-ce que vous allez bien les chroniqueurs? Ça va. La musique vous plaît? Moi j'adore. Ah oui? Ça vous donne envie d'aller boire de la Guinness? Ça me donne envie de danser. En vrai, on s'y croirait, je trouve. Ah ouais, ah, c'est génial. Je vais aller tout le long, allez. En fait, viens, on écoute que ça pendant une heure, en fait. Ah, je pense que ça va plaire aux gens, en tout cas. Mais je me sens que pour une émission, je reviens, c'est déjà bordel. Ah ouais, toi, t'es parti, Camille qui a animé, là, maintenant, c'est n'importe quoi, on est en Irlande, enfin bref. Ouais. Et du coup, comme c'est la Saint-Patrick, bah, on va attaquer direct avec la chronique de Milly qui va nous parler de l'histoire de la Saint-Patrick. Mais attendez, parce qu'avant de lancer le jingle, j'ai un bug de truc, bim boum, personne n'a rien entendu. Mais non, il y a la musique, on n'entend pas du tout. Eh ben, je vous laisse combler parce que j'ai un petit problème. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la cornemuse? Ah, c'est bon, c'est parti. La voisinade sur Fadjet, les histoires de Mélie. Et aujourd'hui, Mélie va nous parler de la Saint-Patrick. Et oui, c'est ça, c'est ça. Eh ben vas-y, tu peux y aller. Voilà. Alors du coup, la Saint-Patrick, au départ, c'est une fête religieuse et c'est aussi un jour férié en Irlande. D'ailleurs, ce serait bien que ça devienne aussi en France, un jour férié. C'est sympa. Ouais. Et en fait, partout dans le monde, bah, les Irlandais, les descendants des Irlandais ou alors les simples fêtards vont se réunir ce jour, parés de leurs plus beaux vêtements verts et s'enivrer de Guinness, voilà. Et ils vont aussi rendre hommage à la patrie du trèfle. Pour l'instant, ils se bourrent la gueule. À la patrie du trèfle. Qu'est-ce que la patrie du trèfle? Moi, l'Irlande, c'était pour changer un petit peu, tu vois. Ah, la patrie du trèfle. Ah oui, d'accord. En fait, tu veux mettre des synonymes, quoi. C'est ça. Une arnaqueuse. J'essaye de faire un peu dans l'authentique. Du coup, pourtant, la Saint-Patrick, en fait, Saint-Patrick, le saint, d'ailleurs, il n'est pas né en Irlande. Hein, il est né en Bretagne entre 373 et 390. C'est pareil, la Bretagne et l'Irlande. Ouais. Il est né entre 373, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en quelle année il est né. On ne sait pas en quelle année il est né. C'est flou. C'est flou. Et en fait, selon sa propre autobiographie hagiographique, là je vous ai perdu, il est élevé par des pirates à l'âge de 16 ans et il est ensuite vendu comme esclave en Irlande. Sympa la vie. C'est sympa la vie. Hein. Pendant 6 ans, il va travailler comme berger pour le compte d'un chef de clan irlandais. Il va apprendre la langue locale et il va se convertir au christianisme. Et c'est alors que Dieu lui est apparu et lui a ordonné de s'enfuir et d'embarquer pour la Bretagne. Il va réussir finalement. Et en fait, avec le périple qu'il va faire, quand il va revenir en Irlande, il va convertir les Irlandais au christianisme. Du coup. Moi, je trouve qu'il se la pète beaucoup pour un mec dont on connaît même pas la date de naissance. Franchement. C'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, quand il est arrivé en Gaule, en fait, Patrick, hein, c'est un direct, c'est mon pote. C'est hein. Patrick. Et donc, Patrick, il est devenu diacre, évêque, enfin, il a une superbe vie, quoi. On veut la même, on veut tout pareil que Patrick. Hein. Du coup, pour le moment, rien à voir avec le fait de s'enivrer avec la Guinness. Hein, donc, ah non, c'est pour le moment. C'est un peu relou. Hein. Au départ, c'est une fête religieuse. Et est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi est-ce que l'Irlande a le trèfle comme symbole? Ils avaient de la chance. Parce que comme il pleut beaucoup, et ben il y a beaucoup de trèfles qui poussent. Et alors ça aurait pu, mais alors, c'est pas con. Moi, je préfère mon histoire un peu loufoque. Ouais, ça, en fait, l'évêque, quand il est arrivé en Irlande, il aurait brandi un trèfle à trois feuilles lors d'un sermon pour expliquer aux Irlandais le mystère de la Sainte Trinité. Et du coup, c'est pour ça que les Irlandais ont adopté le trèfle. Et après, c'est quoi le mystère de la Sainte Trinité? La Sainte Trinité, dans la religion, là. Dans la religion, là, t'as qu'à lire la Bible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça la Sainte Trinité. C'est pourquoi c'est un mystère? Bah parce que les Irlandais, ils étaient païens. Au départ, non, je pose des questions, je vois que ça dérange. Ah mais non, mais oui, mais pas du tout. Parce qu'au départ, les Irlandais, ils étaient païens. Du coup, quand la prof, tu poses une question, oh, tu m'emmerdes. Moi aussi, j'ai une question du coup. Ah, ta bouquin et regarde. Et du coup, bah, quand Patrick il est arrivé en Irlande, ça fait ta question. Et mais non, mais je vais y répondre, mais je termine mon explication vas-y. Du coup, quand il est arrivé en Irlande pour convertir les païens, et bah, il a brandi ce trèfle en expliquant, bah là, vous avez la Sainte Trinité. D'accord. Voilà, il y avait, en fait, il a, c'est à mon avis, c'est la seule plante à trois feuilles qu'il a trouvée. Il s'est dit, je vais prendre ça. Ouais, ouais. Au moins, après, il faut comprendre. Oui, Guélon, ta question. Du coup, s'ils étaient païens, ils étaient quoi? Voilà, c'est tout. C'est vraiment une question de merde. Non, mais j'ai l'habitude. Donc, on a interrompu la chronique de Mélie pour ça. Oui, non, mais il n'y a pas. Non, j'ai l'habitude. Hein. Ça veut dire que j'ai pris ta défense. C'est vrai, merci, Charles. Je regrette. Tu vois, Charles, je regrette. Non, Mélie, je te présente plus plates excuses. Jamais je ne te couperai en faveur de Guélon. Je suis sûr que tu vas changer d'avis d'ici 10 minutes. Oui, probablement. Pourquoi? Bah, peut-être. C'est bon? C'est fini. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a donc la légende aussi qui a permis à Patrick de devenir Saint Patrick dit qu'en fait ce dernier a réussi à chasser tous les serpents du pays. En fait, c'est une allégorie. Ah, j'ai entendu parler de ça. Mais dans ma dernière chronique, en fait, hein, je crois, je l'ai dit. Et c'est en fait c'est une allégorie parce que il a réussi à chasser tous les druides celtiques du pays et à évangéliser le pays. En fait, les serpents c'est les druides. Du coup, c'est pour ça que Patrick il est devenu Saint Patrick. Il est devenu célèbre. On lui a dit merci d'avoir enlevé tous les serpents de l'île. C'est ça, exactement. Et du coup... Il les a mis où, les serpents? Sur le fort de Fort Boyard? Je suis sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Je pense, ouais. Je contacte Père Foura la semaine prochaine, je te dis. Merci. Au fait, au départ, on voit bien que c'est une fête religieuse, donc toujours rien à voir avec la Guinness. Oui. Mais c'est simplement que, au fur et à mesure des années, le Saint-Patrick, c'est devenu un festival de célébration et de promotion de la culture irlandaise, surtout à partir des années 90. Et comme vous le savez, il y a énormément d'Irlandais qui ont immigré aux États-Unis, notamment certains au Canada. Et du coup, simplement, cette fête s'est démocratisée et répandue un peu dans plusieurs pays où il y avait... des populations irlandaises. Ouais, j'ai l'impression que c'est le moment de l'année où on parle le plus de l'Irlande. Oui, là, c'est exactement ça en fait. Ça va, mais c'est là, même le seul moment de l'année où on parle de l'Irlande d'ailleurs. C'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Alors par contre, il y a juste quelque chose moi que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que la Saint-Patrick n'est pas la fête nationale irlandaise contrairement à une croyance populaire qui est assez répandue. C'est pas la fête nationale. On parle plus de la Saint-Patrick que de la fête nationale irlandaise. Mais ils n'en ont pas. C'est parce qu'on picole. Ah, ils n'ont pas de fête. Non, j'ai recherché, apparemment, ils n'ont pas de fête officielle comme nous on a le 14 juillet. Alors c'est peut-être pour ça que du coup, ils fêtent la Saint-Patrick un peu comme la fête nationale. Ils se rattrapent sur la ouais, nous aussi, on veut une fête. C'est ça. Et j'ai une dernière question pour vous et après j'aurai terminé. Pourquoi le vert? Pourquoi? Parce qu'il pleut beaucoup et du coup, il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Bah oui, non, mais c'est vrai, en plus, c'est ultra vert l'Irlande. Oh là là, Camille, c'est tous les plans. En boucle. Ou alors, ils avaient un partenariat avec le mec de chez CTLM. Non plus. Non, ou alors, c'est pour mettre la Guinness dedans, c'est tout. Ah, bien, bravo. Non, alors en fait, il faut savoir qu'à l'origine, la couleur affichée par les Irlandais le jour de la Saint-Patrick, c'est le bleu. Donc, ah, rien à voir avec. C'est là qui est passé par là, quoi. Comment? C'est encore Coca-Cola qui est passé par là, quoi. Alors du coup c'est Coca-Cola bio, c'est la version bio, mais oui. Non, le Coca-Cola il flash. Le truc a disparu au bout de 6 mois. Comment reprendre avec ça? Mais il est en train de se dire mais comment reprendre? Et donc en 1798, donc l'Irlande elle est occupée par les Britanniques qui se battent face à la société des Irlandais unis qui voulaient tout simplement être indépendants et leur drapeau était de couleur verte et du coup finalement c'est le vert qui est resté parce qu'ils ont réussi à avoir l'indépendance. Ça a complètement dévié, on parle d'une fête religieuse qui finit en fête de bière, c'est clair. Et d'un couleur bleue qui finit en vert. Mais du coup leur drapeau était vert mais on sait pas pourquoi en fait. On sait que c'est vert parce qu'ils ont copié le drapeau mais on sait pas pourquoi le drapeau est vert. Bah en fait on sait, si le drapeau il... C'est pas te rattraper, t'as pas la réponse. Non mais si, le drapeau il est vert parce que ça vient de l'histoire de l'indépendance. Ça vient de l'indépendance des Britanniques. Ça vient de l'histoire, tu sais, de l'indépendance entre 1400 et 1700. Et à ce moment-là, il y avait un gars qui avait dit que... En fait, t'as pas la réponse, quoi. Mais si, ça vient de ça. Ça vient de l'indépendance. Je t'ai dit, en plus, la société des Irlandais unis qui voulait... ne plus être dépendant des Britanniques, et ils ont pris un drapeau vert. Oui, mais ça explique pas pourquoi il était vert. Pourquoi vert? Parce que qu'il y avait de l'herbe. Il y a une histoire, on choisit le bleu parce que le bleu, ça, genre, j'ai pas d'idée parce que je suis une tanche en géographie, mais voilà. Mais à mon avis, ils ont choisi le vert pour faire opposition au bleu et dire ouais, on n'est pas content contre le bleu, tu vois. Ah bah voilà, tu vois que t'as la réponse. Non mais soit la pousser pour avoir les réponses. Non mais il y a une autre possibilité, c'est que peut-être, je sais pas, il faudrait se renseigner, peut-être qu'à l'époque, le tissu vert coûtait moins cher que, par exemple, le tissu rouge. Donc forcément, ils ont pris du vert. Ça, c'est moins de demande, c'est vrai. Voilà. On ira se renseigner. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci Mélie, on a bien appris sur la Saint-Patrick. On a appris qu'en fait, c'était un mec religieux, puis à la fin, on s'est tous bourré la gueule à Saint-Patrick. On va écouter tout de suite, alors, je sais pas si vous connaissez Niall Horan. Qu'est-ce que c'est? Un Irlandais. C'est un Irlandais, effectivement, on va passer que des musiques irlandaises. Et en fait, c'est un chanteur des One Direction, et j'ai appris qu'il était irlandais. Ah ouais. Donc, du coup, on va s'écouter ça tout de suite. Talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm. You know j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you disappear. C'était Néa Lauren avec Nice to Meet Ya. 18h, 19h sur Fadjet. La voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Les indébattables. Et en cette Saint-Patrick, et comme on a parlé tout à l'heure de trèfle à quatre feuilles, on s'est dit qu'on allait faire un indébattable spécial sur les superstitions. Et donc, comme d'habitude, je suis le monsieur chiffre de l'émission, puisque 37% des Français pensent que trouver un trèfle à quatre feuilles porte chance. Voilà, donc on s'est dit qu'on n'avait pas les superstitions. Et 41% avouent être superstitieux. Donc je vous pose la question autour de la table, est-ce que vous êtes superstitieux? Moi, je dirais plutôt oui, mais pas totalement. Pourquoi plutôt t'es superstitieuse? Non. En fait, ça dépend, ça m'arrange, oui, ça m'arrange, non. Non, mais en fait, moi, j'ai pas genre d'objet superstitieux en mode je vais pas porter un slip porte-bonheur. Mais par contre, je crois beaucoup au karma, tu vois. Ah. Tu vois, et du coup, je me dis, si je fais des trucs pas très très bien, après, ça va me retomber dessus. Du coup, j'évite et j'essaye de garder un bon karma dans l'ensemble, tu vois. Et ça marche? T'es superstitieuse, quoi. Bah ouais, ça marche de temps en temps. Ça marche de temps en temps, quoi. J'espère que ça marchera la semaine prochaine, par exemple. Pas du tout, pour le CAPES. Voilà, exactement. Alors, est-ce que vous avez des petites superstitions, des petits tocs ou des trucs que tu dis, tiens, si je... Je sais pas si je sors avec en mettant la chaussure droite en premier, je vais avoir de la chance ou non, personne. Ouais, non. Alors parce que du coup j'ai pas répondu. Je ne suis pas du tout superstitieuse. Moi, je crois pas du tout à ces trucs-là. Donc j'ai encore moins des petits tocs de superstition. Alors je vous ai fait un top 5 des superstitions des célébrités. Donc on a Nicolas Sarkozy qui garde dans son presse-papier un grand trèfle à quatre feuilles. Voilà. Ouais, on a Laurent Fabius qui refuse de passer sous une échelle. Bon, c'est pas le seul. Mm-hmm. On a Pavarotti qui se produisait sur scène avec un clou tordu dans sa poche. Mais un clou tordu dans sa poche. Voilà. On a André Agassi qui conservait la même serviette en cas de victoire. Oh. Et enfin, on a Jennifer. Alors, c'est un peu plus relou. Hein. Jennifer Aniston qui doit toujours rentrer dans l'avion avec le pied droit et tapoter plusieurs fois l'extérieur de l'appareil avant d'embarquer. Mais wow. Enfin, t'imagines, t'es derrière, t'es pressé, il y a quelqu'un devant toi qui te tape du pied, là. C'est relou. Voilà. Et voilà. Et il y a les Français aussi qui ont des superstitions, puisque un Français sur deux évite de poser le pain à l'envers sur la table. Ah oui, ma mère, elle fait ça. Ça, je savais même pas. Mais, beaucoup de vieux Pascal, qui font ça, si vous écoute, bonjour. Non, mais je crois que c'est pas tant une superstition. C'est une superstition, je suis. Oui, pardon, si, c'est en latin. Oui, mais c'est surtout en mode t'as travaillé pour avoir le pain, donc faut en prendre soin. C'est juste que les vieux, ils disent que ça porte malheur de mettre le pain à l'envers. Mais moi, ma mère, elle m'a dit un truc comme ça. D'accord. Ouais, c'est pareil. Voilà. Bah quand même, mais dans un sur deux. Oui, c'est beaucoup. Hein. Après, avoir un petit objet, moi je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont pas superstitieux, mais tu sais, qui aiment bien avoir. Tu sais, c'est un peu comme le doudou quand t'es petit, tu vois. Oui, t'as envie d'avoir ton petit trèfle dans la poche, tu vois. Ouais, tu vois, ça, je pense qu'il y a des gens, c'est un peu plus ça que de la réelle superstition. Et du coup, j'ai encore une question à vous poser. Est-ce que vous jouez au loto le vendredi 13? Moi, je joue au loto quand j'oublie pas de jouer. Donc, jamais, pas spécialement. En fait. Bah, dans le sens où il y a des plus grosses cagnottes à gagner les vendredis 13, peut-être. Ouais. Je vais être plus susceptible de jouer pour ça. Mais sinon, pour le reste, non. Alors, ce qui est marrant, encore monsieur chiffre, hein, qui est de retour. Le vendredi 13 n'est un jour de chance que pour 17% des Français. Pourtant, ils sont 41% déclarés jouer à des jeux de hasard ce jour-là. Donc, ils sont que même pas 1 sur 5 à dire oui. Et on a de la chance ce jour-là, mais ils sont presque la moitié à jouer. Ça veut dire que les gens sont optimistes et pensent qu'ils peuvent contrecarrer le mauvais sort. C'est ça. C'est ça. C'est bien d'un côté. Ouais. Je veux dire, c'est cool. Enfin, si t'es heureux comme ça. Bon, bah, voilà. C'est clair. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite stat sur les régions. Donc, la région où il y a le plus de superstitieux, c'est l'Auvergne. Et juste derrière, c'est la Lorraine. Donc, on est la deuxième région la plus superstitieuse de France. Voilà. Ah ouais. Bah, quand même. Hein. Ah mais oui, moi je suis allée d'ailleurs à, on parle de Lorraine, c'est pas en Lorraine d'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'étais à Madrid la dernière fois. Désolée, non mais il y a une superstition comme ça qui m'est revenue. À Dijon par exemple, je crois que sur un bâtiment, ça doit être une ancienne église, il y a une chouette qui est mise là, enfin une chouette en pierre du coup, et les Dijonais, il faut absolument qu'ils la touchent à chaque fois qu'ils passent, parce que sinon il va y avoir un malheur qui va arriver. Pas, ah non, je connaissais pas, mais tu vois, comme quoi il y en a vraiment partout. Oui, il y en a vraiment partout, des superstitions. Ouais. C'est fou. Et maintenant, on va parler des... Charles n'est plus là. Le petit mot de la fin. Est-ce que vous connaissez les parasciences? C'est science avec des parasols. Bravo, bravo. C'est pour s'abriter des sciences. Non. Pour ceux qui n'aiment pas. Ah, c'est des sciences secondaires, quoi. C'est des sciences secondaires. Des sciences latérales. Oui, voilà, c'est un peu ça. Nous, on est second degré, toi, t'arrives. Non, heureusement qu'on a Mac Lesguy autour de la table. 58% des Français d'y croire à une discipline de parascience, c'est-à-dire l'astrologie, les lignes de la main, la sorcellerie, la voyance, la numérologie ou encore la cartomancie. Ah voilà. Ouais. Alors, et un quart des Français ont déjà consulté un spécialiste au moins une fois au cours de leur vie. Traduction, un quart des Français se sont déjà fait avoir. C'est ça, exactement. Et donc, un quart donne de l'argent à des voyants gratuitement. J'ai une question. Est-ce que l'horoscope, ça peut être considéré comme une superstition du coup? Oui, parce que il y a l'astrologie dedans. Donc l'astrologie, c'est l'horoscope. Mais moi, par contre, l'horoscope, j'y crois de fou. Hein. Ouais, je te jure. Et moi, j'ai déjà lu vos horoscopes à vous. Ah, c'est incroyable. Ah, d'accord, je sais pas. Elle fait des. Dans sa tête, chez elle, un petit carnet, elle note. En concordance avec l'horoscope aujourd'hui, Camille est vraiment de bonne humeur, comme prévu. Moi, ça me fait un peu flipper quand même, toute cette histoire de parascience, de machin. Et d'ailleurs, pendant le Covid, il y a 20% des adeptes qui ont été voir un spécialiste juste sur le Covid. Genre, ils se sont dit, tiens, je vais aller voir une voyante pour voir ce qui se passe avec le Covid. Ah ouais. Donc, je pense que c'est encore pire que d'aller voir Didier Raoult. Je pense que là, en termes de chance d'avoir la bonne solution. J'avoue. Alors, moi, il y avait une petite anecdote que je voulais vous raconter, que j'ai vécu avec Camille un vendredi 13. Donc, je suis pas vraiment superstitieux, mais il nous arrivait un truc de ouf un vendredi 13. En fait, je vais aller chez mes parents qui habitent à 3 heures d'ici. Et je dis, on va leur faire une surprise, on va pas leur dire qu'on vient. Et on part le vendredi 13, au bout d'une demi-heure, mais vraiment une grosse averse de ouf sur la route et la foudre qui a tapé sur ma voiture quand même. Ah merde! Tu te dis, comment tu peux ne pas croire en vendredi 13 quand la foudre tape sur ta voiture? Oui, c'est sûr. Donc déjà, moi je sortais la tête par la fenêtre pour vérifier que j'avais pas le toit qui était cramé. Quand je suis arrivé chez mes parents, qui n'étaient pas au courant que j'arrivais, et ben en fait ils avaient été inondés et genre il y avait genre 50 cm d'eau dans la cuisine. Donc si vous voulez faire une surprise à quelqu'un un vendredi 13, mauvaise idée, abandonnez tout. Surtout si ça implique de prendre la voiture. Ouais. C'est ça, mais vraiment, je suis sûr, parce qu'il y avait de la foudre de partout et la voiture, elle a vraiment fait comme s'il y avait Hagrid de Harry Potter qui était sur le toit et qui faisait genre boum boum. C'est vrai qu'on a vraiment senti que ça se rapprochait de nous déjà. Quand on roulait, on sentait que ça tenait de plus en plus fort. Et on a vraiment pris le truc, enfin, je pense, sur la voiture. Quoi. Et du coup, tu te dis, on a quand même pris la foudre un vendredi 13 ou... C'est ça. Donc, t'as beau être pas superstitieux, tu te dis quand même. Ouais, c'est ça. Je suis pas superstitieux, mais là, ça fait quand même beaucoup. Quoi. Tu te prends la foudre, t'arrives chez eux, ils ont un mètre d'eau alors qu'il n'y avait pas du tout prévu d'inondation en particulier. Quoi. C'était ma petite anecdote du vendredi 13. Est-ce que vous avez eu des anecdotes ou vous avez une vie de merde? Moi, j'ai pas d'anecdote de vendredi 13. En fait, il m'arrive des malheurs tous les jours, donc c'est pas que les vendredis 13, non. Des fois, tu dis une coïncidence de ouf, tu te dis c'est pas possible, j'ai vraiment de la chance, ou à l'inverse, j'ai vraiment pas de chance, tu vois. Ouais, non. Non, moi, c'est tous les jours, ça. C'est pas que le 13. Tous les jours, ok. Ta vie est un vendredi 13. Ok. Et ben, on va finir là-dessus. La vie de Mélie est un vendredi 13. Et on va enchaîner directement avec Camille qui va nous faire voyager. Oui. 18h, 19h sur Fadjet. La voisinade. Faites comme chez nous. 18h, 19h, la voisinade sur Fadjet. Camille vous fait voyager. Et Camille, je suppose que tu veux nous faire voyager en Irlande du coup. Comment t'as deviné? Je sais pas, un petit truc là, Saint-Patrick, qui est moyen que ce soit en Irlande. Moi je pensais que c'était en Allemagne quoi. Moi je suis déçue. La meuf qui a Et ben, première transition, c'est parfait. Figurez-vous qu'on peut aussi fêter la Saint-Patrick dans plein d'autres pays du monde. Ah bah bien. Et donc en Allemagne notamment, donc. Non, mais en fait, j'étais vraiment surprise. Le pays de la bière, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais non, c'est en vrai, bière, là, Saint-Patrick. C'est un peu ça, ouais. Tu te dis, c'est une fête que, ok, c'est sympa de fêter dans d'autres pays, mais moi, j'étais assez surprise de savoir que, par exemple, tu sais pas pourquoi, aux États-Unis, au Royaume-Uni, je sais pas pourquoi ça me choque pas trop, parce qu'il y a beaucoup de natifs irlandais au Canada. Fait tout là-haut. Mais aux Émirats, par exemple, tu peux fêter la Saint-Patrick, qui fête la Saint-Patrick. À Singapour, on fête la Saint-Patrick, tu vois. En Australie, en Allemagne, enfin, bref, du coup, voilà, je trouvais ça assez fou. Et d'ailleurs, c'est à New York qu'on a organisé la plus grande parade qui célèbre la Saint-Patrick. Avec plus de 200 000 participants et plus de 2 millions de spectateurs qui se retrouvaient sur la 5e avenue. Ah ouais, ça fait quand même du peuple, non? Ouais. Et pourtant, on sera à New York, quoi, donc voilà. Ouais, mais New York, c'est logique, parce que les Irlandais, ils ont immigré là-bas. Oui, tu oui. Vois, encore, oui, New York, ça va, mais les Émirats arabes, pour le coup, j'avais pas du tout. Bah oui, comme quoi ça se fait un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté commercial parfois dans certains. Donc je me dis, le gars, il se dit, bah vas-y, il y a plein de gens, bah, s'il y a 2 millions de personnes. Non, mais comme quoi, ça a eu un vrai impact, la fête que les Irlandais ont voulu créer, tu vois, dans le monde entier, quoi, c'est ça. C'est vrai. Voilà, et donc, du coup, comme c'est le moment le plus attendu de l'année en Irlande, il y a une exode massive de gens qui vont en Irlande à la Saint-Patrick. Donc, si vous voulez y aller, il faut s'y prendre à l'avance. Alors, pour ce soir, c'est un peu tard. Oh, tu prends un petit vol là, tu prends un Ryanair Dublin. C'est bon, tranquille, on trouve là. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, pensez à vous y prendre à l'avance ou alors à prendre un autre pays, comme je viens de citer, puisqu'apparemment, on l'a fête un petit peu partout. Mais c'est sûr que si tu vas à Madrid pour la Saint-Patrick, ça va être moins fun, quoi. Oui. Pensez à prendre un pays où. Voilà. Autrement, donc évidemment, donc le pays dans lequel c'est la plus fêtée, c'est bien l'Irlande, et c'est surtout à Dublin, puisqu'on a la fameuse grande parade de Dublin. Donc pendant laquelle on a donc alors ça se passe il y a beaucoup d'animations aussi dans le quartier de Temple Bar le quartier le plus connu de Dublin. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, qui compte le plus grand nombre de bars où on peut faire la fête. Donc tu parles bien de bars là où on boit un coup, pas le poisson. Oh là là, je sais pas pourquoi, en commençant ma phrase, je me suis dit, non frère, arrête, mais c'est trop tard. On se tape des barres. Ouais. Oh là là, puis lui, il en remet une couche, hein, et il critiquait notre parabole de tout à l'heure. Sauf que la mienne, elle était quand même mieux que sa blague de merde. Non, non. Oh, tu sais que je peux vite couper ton micro à toi, hein, les gars. Un micro bleu, ok. Quelqu'un d'autre veut mettre la barre encore plus haute? Oh là là. Oh, oh là. Joli. Allez, on arrête. Ouais, allez, c'est bon, moi je me barre. Merci d'avoir écouté Fadjet, c'était 734. On se retrouve le 7 avril avec Monsieur Fèvre. Pourquoi? Bon, allez, point barre. Allez, bon, donc. Moi j'attends la suite. Moi je fais pas de blagues, moi j'attends la suite. L'Irlande, là, moi surtout ça m'intéresse. Les blagues, prof d'histoire, bon. Bon. Ouais, vas-y, quelle. Si ce serait une blague sur Raymond Barre. Bah, ouais, et puis je suis pas si con. Bah, au moins tu connais Raymond Barre. Bah oui, voilà. Tu vois, je fais cette blague à mes élèves, ils comprennent rien du tout. Un coquille au bataille, bon. Il n'y a pas une chronique en cours en fait? Si, alors, oui, Camille, si, une fête de Camille. Si, ouais, ouais. Je aussi, ouais. Enfin, voilà quoi, donc du coup à Dublin, et ben, c'est la fête. Alors comment je reprends après ça moi? Temple Bar, c'était du coup. Ah, oui. Bar, ouais. Ouais, Temple Bar, c'est un quartier qui était autrefois délabré et minable et qui était destiné à devenir un terminal ferroviaire. Et ah, en bon, fait, on est loin. Voilà, ça n'a jamais été construit. Et du coup, les autorités locales, elles ont décidé d'abandonner les plans et ils ont remplacé ça par une zone de loyers bon marché et donc avec plein de commerces, de rues pavées. Et là, c'est devenu le fameux quartier qui est aujourd'hui, qui est du coup beaucoup plus sympa que ce à quoi il était destiné. Donc ça, c'est cool. Donc c'est effectivement dans ce quartier mythique de Dublin qu'il faut se tourner si vous voulez aller faire la fête. Donc évidemment, alors bière irlandaise, musique irlandaise, irlandais complètement fou. J'allais dire irlandaise, mais ça c'est un peu moins fun du coup. Irlandais et irlandais. Ouais. C'est pas gentil. Je vais me faire taper, mais je trouve que les irlandaises sont moins belles que les françaises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais me faire taper dessus. Voilà, je sais pas, je suis jamais partie en Irlande, donc. Tu verras quand tu iras. Alors petite attention aux agoraphobes, les quartiers sont vraiment blindés de monde. Mais vraiment, il y a plus de place dans la rue, il y a plus de place sur les trottoirs, il y a plus de place d'ailleurs dans les bars. Je pense aussi que ça doit être très dur de te trouver une place. En fait, on te lance la Guinness et à toi de la rattraper. Quoi. C'est ça. Tu rattrapes, c'est bien. Tu rattrapes pas. Tu lances la carte bancaire aussi, mais tu la rattrapes jamais. Ça, c'est pas une bonne idée la carte bancaire. À mon avis, oui, tu la rattrapes jamais, comme tu dis. Donc voilà. Donc vous avez évidemment la possibilité de danser, de chanter, de faire la fête. Si possible, venez peinturluré en vert, déguisé en fameux le préchaun, le petit lutin de la Saint-Patrick. Alors les Irlandais ne se prennent pas au sérieux, ils ont beaucoup d'autodérision et surtout ils aiment bien faire la fête aussi avec les étrangers, c'est-à-dire pas de problème, faut aller se mêler à eux, à la foule. Ah, c'est trop cool. Ouais, apparemment ils sont très Ouverts. Ouais, très ouverts, ils ont envie de discuter et de faire la fête, donc ils sont fait très verts aussi. Ils sont très verts, ils sont pourquoi j'ai dit le mot ouvert. Ah oui, en même temps, tu me lances une perche. Ils sont open. Open. Oh la vache, l'accent. Ils sont open. A U P A I N. Du coup, vous pouvez retrouver la grande parade sur O'Connell Street à Dublin. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, en gros, c'est de la musique. Il y a des chars colorés, des strass, des paillettes, un public survolté, des petits lutins partout. Et donc, des chars colorés verts, quoi. Ouais, principalement. Ouais. Bah, c'est coloré, le vert. Oui. Au moins, ils se font pas chier pour la déco. Il n'y a pas à réfléchir. C'est vert clair. Partout. Voilà. Je te raconte pas le marché de la peinture verte. Ah ouais, c'est clair. T'arrives là avec 4 pots de peinture, tu les vends 50 balles chacun, facile, au lieu de 10. Donc vous pourrez retrouver des vikings, des orchestres ambulants, des kilts, vraiment tout ce qui est très typique et culturel. Il y a des reconstitutions d'épisodes historiques et légendaires. Enfin, c'est une grande parade, quoi, en fait. C'est vraiment génial. Moi, ça me donne tellement envie d'y aller, là. Ouais, franchement, ça a l'air sympa. Le spectateur est aussi très vite invité à participer en chantant et en acclamant le défilé. Enfin, vraiment une ambiance un peu de fou, quoi. Apparemment, ça a l'air d'être un truc assez incroyable. Et il propose même des passes VIP, si vous voulez assister. Alors, au festival de la Saint-Patrick, il faut compter 30 euros par personne et c'est un billet qui est réservable en ligne et c'est l'occasion de vous asseoir en estrade, sur une estrade en hauteur pour assister au spectacle confortablement. Ok, bon ça va, c'est pas tellement cher, 30 euros ça va encore. Oui, bah c'est VIP quoi, c'est vraiment pour les fans de la Saint-Patrick. Ouais, remarque ça va. En général, ça quand va, tu dis billet VIP, c'est. T'as billet VIP, Mylène Farmers, 250 euros. Tu vois. Oh, bah, alors là, mon avis, détrompe-toi, c'est plus que ça. C'est au moins 500-600 balles, je pense, minimum. Et donc voilà, et donc c'est aussi l'occasion de bien manger pour les Irlandais. Et donc qu'est-ce que les Irlandais y mangent ? Eh ben la bière. Liquide solide. La bière. Glace à la bière, apéro à la bière, bière à la bière. C'est bon quoi. Non mais alors qu'est-ce qu'ils aiment bien manger les Irlandais ? Ils aiment bien manger un fish and chips tout simplement. Ils vont pas se prendre la tête. C'est simple aussi. Voilà. Ou alors c'est simple, efficace. Ils mangent aussi de l'Irish stew. Alors qu'est-ce que l'Irish stew ? Ah mais tu l'as déjà dit dans ta chronique du début d'année là. Ah c'est tu suis. C'est de la viande. Ah j'étais persuadée que personne ne saurait. Bien joué. Je fais des blagues mais j'écoute. Et ben voilà exactement. C'est un ragoût d'agneau ou de mouton qui est aussi une variante en bœuf qui est servi avec des pommes de terre, des oignons et des carottes. Et donc c'est un plat simple mais qui prend des heures à mijoter et donc du coup les Irlandais en sont très friands. Et apparemment ça a vraiment un goût typique quoi. Voilà. Qui peut être mangé avec du brown bread, pain irlandais. Joli, joli. Voilà. Quel bel accent. Tu peux nous le refaire, Amélie? Brown bread. Ah, brown bread. C'est pas si mal. Brown bread. En vrai, on a vu mieux. C'est mieux que quand t'as fait joie. Ou open, quoi. Ou open, ouais. Open Corsa, bon, voilà. Oh la vache. Open Corsa. Je valide la blague. Merci. C'était tout pour toi, Camille? Eh ben oui. Ok, et ben je pensais que tu avais encore des choses à raconter. C'est comme vous voulez. Hein, il te reste 40 secondes. Et ben, on peut rajouter un dernier petit plat si vous voulez. C'est le col canon. C'est un plat qui est très canon. Qui est canon. Ça se décrit peut-être pas du tout comme ça. C'est une purée de pommes de terre et de choux cuisinée au beurre avec du lait et des oignons. Et voilà, on peut rajouter de la viande comme du bacon ou de l'agneau si on veut. Voilà. Ça a l'air sympa. Et ben, en tout cas, merci. On finira sur cette spécialité culinaire dublinoise. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ou plutôt irlandaise. Et comme évidemment, on a la spéciale Saint-Patrick. On va lancer tout de suite une musique, attention je vous la lance. vous connaissez tous, c'est Zombie de Cranberries. Putain. c'était The Cranberry Zombie, Amélie qui parle hein, pendant la musique. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. 18h, 19h sur Fadjet. La voisinade. Faites comme chez nous. La voisinade sur Fadjet. Le génie de l'actu. Attendez, vous êtes qui, vous? Et donc, avec grande surprise, évidemment, aujourd'hui, on va faire un génie d'actu spécial d'Irlande. Mais oh, que c'est étonnant. Wow, incroyable. Oh, qu'est-ce que je suis inventif. On s'y attendait absolument et pas. Et donc, qui dit Irlande, dit la personne la plus connue de l'Irlande, c'est Bono, le chanteur de U2. Voilà, pour moi. Et en fait, il est le seul, la seule personnalité de l'histoire à avoir cette caractéristique. À être irlandais? Oui, il y a qu'un irlandais. Bravo. Merci, Mélie. Alors là, les fans de Bono vont être contents. Mais comment c'est irlandais? En fait, la caractéristique, c'est la réponse à la question. J'avais pas compris la question. Vous avez la question. C'est quelque chose que les stars font et que lui ne fait pas. Genre une demande en particulier. C'est quelque chose que lui, il a. Ouais, il a reçu une récompense, un titre. C'est un truc, ça. C'est exactement ça. Il est le seul au monde à avoir. Équivalent du Panthéon chez nous, quoi, mais là-bas. Il a une statuette de lui. Oui. Oui. Oui, mais il est vivant. Mais hein. Oui, mais peut-être qu'il a réservé sa place pour plus tard. Non, c'est pas ça, mais ça a un rapport avec les récompenses. Il a gagné un prix de. Il l'a pas gagné. Il l'a volé. En fait, il l'a volé. Il est nommé pour un truc. C'est ça. Il en a gagné, mais certains et pas d'autres. Mais il a été nominé et c'est là-dessus que ça va jouer. Il a été nommé pour le plus grand artiste irlandais du monde. Non, bah. Non. Je me suis demandé où est-ce qu'elle avait fini sa phrase. Elle est fatiguée. En gros, il a été nominé dans trois remises de prix différentes. Et c'est le seul au monde qui a été nominé oui, dans ces trois prix. Oui, mais nous, on ne connaît pas les trois remises si, parce de qu'elles prix. Sont connues. Les Césars. Les Oscars. Les Césars. J'allais dire un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai eu les Oscars. Oui. Les Oscars, on les voit. Ah bah. Il en manque deux. Les Oscars. Les Grammy Awards. Non. L'As d'or. Énergie Music Awards. Le Grand Prix de la Merguez de Strasbourg aussi. Non mais. Question pour un champion. La fête de la patate de Robert Millet. C'est ça. Elle avait dit Paté Laurent, Baccarat. Quel bonheur. Non mais. N'importe quoi. Non, il y en a un. C'est genre le prix ultime. Bah, il a été prix nommé. Nobel. Il a gagné au loto. Et voilà, le prix Nobel. Il a été nommé au prix Nobel en 2003. Il a gagné au loto, c'est ça que t'as dit. C'est vachement. Prix Nobel de quoi? Le prix Nobel, je crois que c'était de la paix, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'était de la paix en 2003. Ouais. Donc, les Oscars, le prix Nobel de la paix et un troisième, sans rapport avec les films ou les séries. Mais je ne dis pas. Je sais pas. C'est quoi, c'est vrai? Non. Bah, je vais vous le donner parce qu'il n'est pas évident. Ouais, parce qu'on va pas envie de chercher. Ouais, les Golden Globes. Voilà. Okay, donc, du coup, c'est la seule personne de toute l'histoire à avoir été nommée aux Oscars, au prix Nobel et aux Golden Globes. Voilà. Donc, Bono. Quand même. Franchement, le gars. Super. Merci, Bono. Voilà. Merci, Bono. C'est de bonne augure pour la suite. Voilà. Non, c'est reparti. Allez, on va zapper. Est-ce que vous savez qui est Brendan Gleeson? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est mon boulanger. Je sais pas, mais il y a un nom de merde. Je sais pas qui c'est. Il fait des éclairs au chocolat du tonnerre. Oh, bon, attends, comment il s'appelle? Brendan Gleeson. Vous l'avez tous vu dans un film. Tous Dans au moins 3 ou 4 films. 3 ou 4 films dans Pirates des Caraïbes. Non. C'est quand même le seul mec aussi connu dont on ne connaît pas le nom. C'est incroyable. Quand je vais vous dire quel rôle il joue, vous allez dire, mais oui, je le connais. C'est fou. Il joue plusieurs fois le même rôle dans des films différents. Non, il a le même rôle dans une suite de films. D'accord. Dans une suite de films. Dans une saga. Une saga hyper connue. Donc, ah bah oui, là, ouais. Le Seigneur des Anneaux. Exactement. Harry Potter, ok. Et il joue un personnage d'Harry Potter, genre Hagrid, mais on se connaît pas non, le nom du il est né en 1955, je sais pas si ça peut vous aider. Non, mais pas vraiment. Il joue un vieux prof, non? Un vieux prof, il joue un personnage de moins 45-50 ans. Ouais, voire plus. Voire plus, ouais. Mais c'est pas Dumbledore. Bah, un vieux prof, mais je sais plus lesquels. Ah, plein de profs. Il y en a 5-6, un prof un peu timbré. Celui avec le. Ah, je sais pas. Le truc dans le nez, là, qui est pote avec dans le nez. Mais qu'est-ce qu'il a raconté? Mais qui êtes-vous, madame? Mais attendez, vous êtes qui, vous? Qu'est-ce qu'elle dit? D'accord. Mais qui a un truc dans le nez, là, peut-être? Quand ils sont dans la chambre des secrets. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et je sais pas comment il s'appelle, le prof, là. Dans le 4 ou dans le 5? Il fait léviter Malfoy à un moment, réveillez-vous là, c'est ça, c'est le célèbre. Foleuil. Foleuil. Il a un œil, tu sais. Qui est dans son coffre en fait, c'est ça. Tout est possible. C'est ça, exactement. Et bah c'est lui. Et bah il est ultra connu. Il a joué dans Mission Impossible 2, Gangs of New York et Kingdom of Heaven. Voilà. D'accord. Mais il est surtout connu pour son rôle de mauvais Foleuil. Voilà. D'accord. C'était tout. On a perdu. Comment déjà? Gleeson. Brendan Gleeson. Brendan Gleeson. On a perdu Ellie, elle fait le cochon. C'est irlandais ça le cochon. On passe à la suite ou pas du coup? Ouais ouais. Allez, elle nous rejoindra. La phrase c'est: l'Irlande se situe au troisième rang. Troisième rang de la classe. C'est quoi? Son mauvais élève. Le troisième rang près du radiateur au fond de la salle. C'est ça. Au troisième rang mondial de la pollution. Les consommateurs de bière. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà, ils sont avec 142 litres par habitant et par an. L'Irlande se situe au troisième rang mondial, battu par l'Allemagne en numéro 1 okay. et par la République tchèque. Voilà. Ils sont deux. Je m'y attendais pas du tout. La République tchèque, voilà. D'accord. Ils avaient dit, tiens, pour une fois, on sera dans le podium de quelque part. Voilà. C'est ça, c'est pas mal. Hein. Et donc évidemment, la Guinness est la première boisson alcoolisée vendue dans ce pays. Et on dit qu'à chaque lampée, elle laisse sur le verre un anneau de mousse. Et on dit en Irlande qu'il faut 9 cercles pour mériter le titre de bon consommateur de pinte. En gros, il faut boire 9 verres. Quoi. Faut boire ah en... oui, d'accord. Non, il faut boire ta bière en 9 gorgées. Ah, ouais. C'est pas clair. Hein. Je pense non, que ouais, moi, j'ai pas compris, moi. Du coup, il faut boire des bonnes lampées. Quoi. Tu vois, c'est... Ah, ouais. Étant donné que je ne bois pas de bière, j'arrive pas à me représenter ce que fait 9 lampées. Mais Bah, je sais pas. Surtout, en fait, j'ai jamais goûté le Guinness. Donc, je sais pas. Il paraît que c'est pas très bon pour nous, non, à nous que... habitués. Donc, oui, c'est pas dur d'avoir 9 lampées. Après, comme on dit, viens donc à lampée. Voilà. Allez. On part. Est-ce que vous avez entendu de pourquoi la ville de Chicago est connue pour la Saint-Patrick? Alors je m'étais dit que Camille avait peut-être avec sa... Alors j'ai vu qu'elle était très citée dans la ville, avec Boston et New York, c'est des villes les plus citées pour les fêteurs de Saint-Patrick, mais je n'ai pas lu pourquoi. Milly, tu parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais, non, là-bas? Non, mais encore plus, ils font quelque chose de ouf pour la Saint-Patrick. Ils peignent pas un truc en vert? C'est presque ça. Si c'est ça, ils... Bah eux, ils se peignent. Non, c'est un monument qu'ils mettent en non, vert. Non, c'est pas un monument. Ou une place, ou quelque chose comme ça. C'est plus grand qu'une place. Je l'ai lu aussi. Vous voyez à quoi ça ressemble Chicago? Ah, si, je l'ai vu, c'est une fontaine. Un lac ou je sais pas en fait, quoi. Vous avez déjà vu, Chicago, ça passe par un grand fleuve. Ouais. Enfin, ah oui, et c'est le fleuve qui est entièrement vert. Ouais, la photo, c'est en fait. C'est une tradition depuis 1962. Ils l'avaient juste pas fait en 2020 à cause du Covid. Ils l'ont refait en 2021 parce que les gens disaient oui, on veut teindre le truc en vert. Et du coup, ils l'ont fait quand même. Et en fait, ils jettent du colorant, donc orange. En fait, et en fait, quand ça rentre dans l'eau, ça devient vert. Ok. Et donc, c'est à base de fluorescéine. Voilà. Ça doit être vachement bon, ça, pour la planète. Eh ben non, il est non polluant, écologique, sans danger pour les poissons et l'écosystème de la rivière. Et il disparaît naturellement au bout de quelques jours. Bah, sans danger pour les poissons, bah, dis donc. Voilà. Bah, c'est possible, genre le colorant alimentaire, c'est sans danger pour nous, tu vois. Ouais. C'est peut-être le même système. Voilà. Ok, bah c'est on va partir maintenant, on va retourner en Irlande où un Irlandais a fait le buzz sur TikTok il y a quelques mois avec une vidéo qui est devenue très virale de lui à l'aéroport. Mais pourquoi? Il a volé un avion. Il s'est mis sur TikTok. Bonjour, c'est moi. Allez, c'est parti, on part au Groenland. Aucun rapport avec la bière. Non, aucun rapport avec la bière. C'est juste qu'il est irlandais en fait, le rapport. Mais aucun rapport avec ni le trèfle, ni la bière. Okay. Il a dansé dans un aéroport. Non, c'est juste un débile. Il n'y a pas du tout de rapport avec la Saint-Patrick. Non, c'est juste un débile. Ah ouais, ouais, il a cassé sa valise, mais genre volontairement. Non, mais c'est un rapport avec la valise. C'est un rapport avec la valise. Il a balancé la valise par il la fenêtre. Il s'est caché dans sa valise. Non. T'as dit quoi, toi? Il a balancé la valise par le hublot, par la fenêtre. Non, je ne peux pas ouvrir le hublot. Alors, Mélie, c'est la seule fille, elle rentre de l'avion, elle ouvre le hublot. Je comprends pas. Non, mais tu sais, j'ai un peu chaud là. Mais non, j'ai pas dit, il a ouvert le hublot, j'ai dit, il a pris sa valise et il l'a lancé contre le hublot et le hublot s'est cassé. Mais j'espère que ça se casse pas aussi facilement. Dans ma tête peut-être, mais la pression atmosphérique, tout ça. Non, c'est pas ça, mais c'est un rapport avec sa valise. Mais il était encore dans le hall de l'aéroport quand ça arrivait. Bah, je sais pas, il avait mis quelque chose dans sa valise, de la drogue. C'est pas vraiment quelque chose qu'il a mis dans sa valise. Un chat. Un mouton. C'est presque il a mis un mouton. Fait, il a voulu passer sa tête dans les anses de la valise. Mais pourquoi? Et en fait, il est resté coincé pendant quelques minutes. Oh non. Et du coup, son pote qui s'appelle Ethan Kelly, au lieu de l'aider, il l'a filmé, il l'a balancé sur TikTok et la vidéo fait des millions de vues. Voilà. Et donc, en fait, la vidéo, tu, le vois, tu peux la trouver sur TikTok pendant plusieurs minutes. Le gars, il essaye de sortir sa tête de la rose de mais la. C'est horrible. C'est pour ça que je dis que c'était un débile. C'est ça. Le il gars, a quel âge, cette personne Je sais pas l'âge du gars, mais je crois qu'il était assez jeune de ce que ouais, bah ça, du coup, ça s'explique un voilà. peu. En vrai, tous les gosses ont essayé de passer leur tête à un endroit où il fallait pas. Non, mais en vrai, c'est super dangereux. Hein. Ouais, ah, oui, ouais. Dangereux. Moi, j'ai, moi, plus tard, mon gosse, il fait ça, il reste coincé, je l'envoie dans la soute avec la valise. Hein. Oh, désolé, j'ai pas trouvé de solution. Allez hop, ça dégage. Il va être bien sur le tapis, la valise. Ah, ça, va être alors, ça m'inquiète, c'est qu'on a perdu Mélie et Guélon. Nous n'avons plus d'animateurs. Allez, il faut que j'enchaîne. Ce soir à Strasbourg, vous pouvez fêter la Saint-Patrick de manière exceptionnelle. Mais pourquoi? Il faut une Saint-Patrick spéciale. En mangeant une choucroute. Non. C'est même exceptionnel pour fêter la Saint-Patrick. Avec des trèfles de choucroute. En étant tout nu. Ça n'a pas de rapport avec Strasbourg. Une choucroute à la Guinness. Ah, c'est pas sûr. Ça doit pas être dégueu. Ah oui, c'est vrai que ça doit être bon. Ça n'a pas de rapport avec Strasbourg. Et ben, on peut. C'est juste que ça se passe à Strasbourg, mais eux, ils ont décidé de fêter la Saint-Patrick autrement. Et je pense que quand autrement. Tu auras la réponse, Mélie, tu vas avoir envie d'aller à Strasbourg ce soir. Avec des pompiers. Des patins à roulettes. Des patins, non. Qu'est-ce que Mélie aime dire dans la vie? Des patins à roulettes. Avec du vin. Avec de l'histoire. Non. Non, pas de vin. C'est vraiment en rapport avec la Saint-Patrick. Et bah, avec la fête religieuse. Patrick. Ouais. Oui. Patrick, en Bob l'éponge. Enfin, le pote de Bob l'éponge. Ils vont tous être en étoile de mer. Allez, c'est parti. Ah, je sais pas, tu dis Patrick. Non, Saint-Patrick, la Saint-Patrick. Ah, Patrick Sébastien. Eh oui. Exactement. Ce soir à Strasbourg, un bar fêtera la Saint-Patrick Sébastien. Quelle horreur. Oh là là, voilà. Par contre, moi, je veux pas y aller. Hein. Parce voilà. que moi, j'assume pas trop d'aimer Patrick Sébastien. C'est pas pour y aller en public. C'est l'amour. C'est génial. Voilà, donc du coup, ils ont renommé la carte. Il y aura des shots spéciaux. Donc, il y aura la boîte à sardines, il y aura le shot de la batoche. Oh là là, quelle horreur. Il y aura même soirée, du Ricard en pression. Oh là là. Oh, misère. Non, mais moi, j'y vais pas, hein, par contre. Non, voilà. Patrick, il n'y sera ou pas? Non, Patrick n'y sera pas. Ah, mais moi, à sa place, j'aurais trop envie d'y aller. Bah ouais, grave. Je sais pas, c'est ta soirée, quoi. C'est moi, à sa place, j'y vais direct. Je me reposerai, j'y vais, je vous fais un petit concert. Le clou du spectacle, c'est que du coup, ça sera pas le vert, évidemment, ça sera le costume bleu de Patrick Sébastien, le dress code. Oh, et enfin, surtout, à la fin, il y aura un défilé de sosies. Et il y aura le meilleur sosie de Patrick Sébastien qui sera élu. C'est la pire soirée de toute la vie, quoi. Ça a l'air grave bien. Ça a l'air d'être drôle. Attends. Mélie dit c'est la pire soirée et Guylaine dit ça a l'air bien. Moi, ouais, je trouve que l'idée est drôle. Parce que part. Ouais, alors, Sébastien, si tu vas en second degré, ça peut être marrant. Alors, hein. Je vous donne quand même l'adresse. Ça se passe au Wawa 4. Déjà le nom. Je vois qu'il m'y emmener, je m'inquiète. 4 places Saint-Nicolas aux ondes à Strasbourg. Et c'est de 18h à minuit 30. Donc, pour les auditeurs de Fadjet qui sont sur Nancy, peuvent encore y aller. Voilà. Au Wawa à Strasbourg. Voilà, exactement. Vous écoutez la Fadjet jusqu'à 19h et après, vous pouvez. Vous écoutez la Fadjet. La Fadjet. Mais la Fadjet. Promis, on n'a pas bu de bière. Je vais enchaîner directement sur ça. Et donc, qui dit Irlande dit Bono. Et Bono, You Too, Pride, In the Name of Love. Ah, oui, d'accord. One man Et c'était U2 avec In the Name of Love. La voisinade sur Fadjet. Et Charles, à quoi on joue ce week-end? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont... Et Charles, à quoi on joue ce week-end? Alors du coup, on s'est dit que des jeux irlandais, c'était un peu compliqué. Alors du coup, on a demandé à Charles de nous choisir des jeux avec du vert sur la pochette. Voilà c'est on s'est ça. Dit que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux par rapport à la Saint-Patrick. Donc on t'écoute. J'ai essayé de trouver des jeux qui parlaient un peu de verdure ou avec du vert dessus. Alors avant toute chose, je voudrais faire un truc que je voulais faire il y a deux semaines. Ah oui! Mais que j'ai pas pu parce que j'étais pour l'eau. J'étais pour l'eau. Dans un mur. Manger des frites, pardon. Et du coup, c'était un petit retour sur le l'As d'Or 2022. Oui, on avait fait des paris. J'avais fait des petits pronostics, ouais. Et du coup, on va voir ensemble si j'avais raison. Donc, on va commencer par la partie hors enfant. J'avais pas pronostiqué ce que je connaissais pas, et c'est Bubble Stories qui a gagné. Voilà. Ça s'est fait. Ensuite, il y a la partie expert où il y avait en compétition les ruines de Narak, Dune Imperium et Iki. Donc, moi j'avais parié sur Dune Imperium. Sur le choix du cœur. C'est ça, c'était vraiment le. T'as vu, c'était le choix du cœur, qui n'est pas forcément le favori, mais au final. Et du coup, ça... alors si je pensais quand même que c'était le favori, et du coup, ça a été confirmé. Bon, bah voilà. C'est bien Dune Imperium qui a gagné l'expert. À l'As d'Or général, il y avait Carte Aventura, Happy City et Seven Wonders Architects. Moi j'avais parié Seven Wonders Architects juste parce qu'il y avait la licence. Oui, parce que ça se vend bien déjà de base. Voilà, ouais. Et du coup, ça a été confirmé aussi. Ouais. Et ensuite, il y a eu une petite surprise sur la catégorie initiée où il y avait dedans Oltre, Nouvelle Contrée et Living Forest. Du coup, nous, on connaît Oltre et Nouvelle Contrée. On connaît pas Living Forest. J'avais parié sur Nouvelle Contrée pour le côté vraiment surprenant. C'est un jeu qui joue avec des marque-pages. Avec des livres. Des livres. Tu prends n'importe quelle boutique, ta bibliothèque, c'était vraiment sympa. Et c'est pas ça qui a gagné, c'est du coup Living Forest. Ah ouais. Et Living Forest, super transition. Oui, je vais vous présenter parce que c'est un jeu qui parle de forêt et la boîte est vraiment toute verte. Du coup, Living Forest, donc le gagnant de l'As d'Or 2022 dans la catégorie initiée, c'est un jeu de stratégie assez familial quand même pour qui se joue à partir de 8 ans. Donc voilà, c'est la catégorie qui est quand même assez accessible pour des parties de environ 30 minutes à 1 heure. Bon, a priori, de ce que j'en ai vu, ça va être quand même un peu plus, plutôt 1 heure, 1 heure et demie. 30 minutes, 1 heure, 4 heures. C'est ça. En fait, c'est comme quand tu prends un train SNCF, on te dit 1 heure, mais en fait, il arrive dans 4 heures, le truc. Ça sent l'arnaque quand même, c'est un jeu qui a un potentiel d'être joué hyper rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en simultané, mais en même temps, est-ce que tu joues vraiment en simultané ou pas? Donc, du coup, ça peut être beaucoup plus. Oui, ça peut être plus, ouais. C'est ça. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et ça coûte une trentaine, entre 30 et 35 balles. Par contre. Ça coûte une trentaine d'euros, ouais, en fait, ça dépend. Ça. Bonjour, j'ai que 33, vas-y, frère. Toujours au marché, au sou, c'est au sou. ça te coûte ce que tu veux donner, en fait. C'est un vendeur, en fait. Ça il y a toujours un prix de vente conseillé et puis après, le vendeur fait bien ce qu'il veut avec. S'il a envie de le mettre à 50, il le met à 50. Voilà, tout à fait. C'est que t'es con, tu l'achètes à 50. Tu l'achètes pas du coup. Oui, bah oui. Et par contre, il est justement en rupture de stock depuis en grande partie son As d'Or. Tout le monde a voulu l'acheter. Bah, c'est forcément. C'est plus dur à trouver actuellement. Et du coup, Living Forest, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de deck building. Donc, j'ai déjà expliqué ce que c'était dans une de mes. On construit sa main. Précédente, mais en gros, tu commences avec un paquet de cartes. Avec ces cartes, tu vas pouvoir acheter de nouvelles cartes de plus en plus fortes. Et en gros, le but, ça va être de protéger la forêt en éteignant des incendies. De récupérer des esprits, de planter des arbres, donc tu as très autour de la forêt. Ça, c'est un jeu qui devrait plaire à Camille, je pense. Le thème me plaît bien. Et même à moi, parce que pour le coup, la mécanique, moi, me fait vraiment sympa. Et en gros, il y a 3 conditions de victoire différentes, donc soit éteindre les feux, soit planter des arbres, soit récolter des esprits. Et en gros, tu es quand même toujours obligé de faire un peu des 3. Mais tu vas te focaliser plus sur un des 3 pour essayer de l'obtenir 12 et gagner. Et du coup, il y a vraiment une compétition acharnée avec une course entre tous les joueurs. Vraiment un jeu vraiment sympa et qui a gagné donc une belle récompense. Je pense qu'il peut me plaire. Ouais. Mais avant qu'il gagne l'Asdor, je l'avais déjà vu à la caverne du Gobelin. La pochette avait l'air grave sympa. Le thème nature est assez à la mode, j'ai l'impression. C'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que ça redevient de plus en plus. Là, c'est le truc du moment où les nouveaux jeux qui sortent. Beaucoup de jeux qui sortent avec. Mais c'est cool, tant mieux. Un peu plus nature, effectivement. Le suivant, donc là on va être plus proche de Saint-Patrick puisqu'on va parler de Lucky Numbers. Ah oui, là t'es bien. C'est un jeu où la boîte n'est pas forcément très très verte, mais même si c'est la couleur principale, mais surtout c'est un jeu avec des trèfles. Des trèfles et un peu de vert quand même, ça passe largement. Et un peu de vert. On valide. Du coup, Lucky Numbers, c'est un plus petit jeu qui se joue en moins d'une demi-heure à partir de 8 ans, de 1 à 4 joueurs. Elle coûte moins de 20 euros, donc là sur Philibert, il est à 18 euros. Il coûte combien, 19 ou 7 Entre 17 et 20. Ok, ça marche, merci. Plutôt 18 euros. Monsieur Chiffre, bonjour. C'est ça, le casse-pied. Et du coup, le King Number, c'est un jeu qui est en essence super simple. Chaque joueur va avoir un petit quadrillage de 4 sur 4 devant lui. Donc avec 16 cases possibles. Okay. Et en gros, vous allez devoir trier des numéros de 1 à 20 que vous allez piocher au hasard dans un sac. Ok. Et en gros, vous allez devoir les mettre de 1 à 20 de en haut à gauche à en bas à droite. C'est-à-dire que, en gros, en haut à gauche, vous allez devoir avoir le nombre le plus bas et en bas à droite le plus élevé. Et en gros, que ce soit en ligne ou en colonne, vous pouvez pas avoir un nombre. Enfin, comment dire ? Je recommence. En gros, tous tes nombres sur ta ligne doivent être. Allez, coupez, on monte l'émission. Du plus petit au plus grand. Et dans ta colonne, doit aussi être du plus petit au plus grand. Bon, bref, en gros, c'est un casse-tête où tous tes nombres doivent être dans un ordre croissant de haut à gauche à en bas à droite. Ah ouais. Et en gros, t'as 16 cases et t'as que 20 numéros. Donc, t'as droit qu'à 4 erreurs, entre guillemets. T'as que 4 nombres en plus. Et donc, c'est un jeu voilà, où vraiment, il faut faire la course à essayer de. Et du coup, quand tu prends pas un nombre, tu le remets au milieu pour les autres. Donc, faut regarder un peu, pas mettre les numéros qui arrangent les autres. Enfin, voilà. C'est un jeu vraiment, vraiment sympa, petit jeu un peu plus rapide, un peu casse-tête. C'est vraiment, je trouve que ça a l'air sympa. Ouais, ouais. C'est rigolo. Oh, voilà. Enfin, moi, les règles étaient beaucoup trop rapides pour moi, du coup, je n'ai pas compris, mais ouais, ouais, ça a l'air sympa. On fera une voisinade spéciale pour t'expliquer les règles de ce jeu. C'est ça. Charles t'expliquera les règles. Non, mais en fait, c'est pas évident à expliquer sur le visuel. Non, mais oui, c'est normal. Visuel, c'est hyper simple. Je suis pas concentré non plus aussi. Donc voilà, pour ça. En plus, je t'en fous. Donc. Ouais, comme ça. Ah bah non, je suis pas concentré, c'est pas pareil que je m'en fous. Bah non, quand même. Et du coup, le troisième petit jeu de ma petite sélection de jeux de Saint-Patrick, c'est So Clover. Ah, il va donc, super bien aussi dans le thème. Très bien dans le thème aussi. Et du coup, Clover, c'est le trèfle en anglais. Total Spice. Ah, j'allais dire la même chose. Ah, c'est dommage, j'allais pas en français, elle pourrait s'appeler trèfle, ce qui serait vachement moins marrant. Ah oui. J'avoue. Allez, trèfle, vas-y, lance ton rouge à lèvres, magique. Au secours. Et du coup, ce Clover, c'est un petit jeu coopératif d'ambiance où il faut devenir des numéros. En gros, alors pareil, c'est thème trèfle, du coup, trèfle à 4 feuilles. Mm-hmm. Oui. On va avoir chacun un trèfle à 4 feuilles en plastique assez gros sur lequel on va pouvoir mettre des cartes. Et en gros, les cartes, elles vont avoir chacun des noms autour, enfin des mots autour. Et le but, ça va être d'associer les mots pour faire des associations d'idées. Donc par exemple, avec mes cartes, je vais avoir chaussures et bois qui se touchent. Et donc du coup, je vais devoir trouver un mot qui me fait penser aux deux. Donc par exemple, je vais écrire sabot. Ah, pas mal, ok. Voilà. Et donc je vais écrire ça. À Gellen. Ah, j'aime bien aussi ce genre de jeu. Et donc je vais écrire ça sur les 4 feuilles de mon trèfle à 4 feuilles. Après, je vais mélanger les cartes et je vais tout donner aux autres joueurs. Qui doivent remettre dans l'ordre en fonction des associations que j'ai fait et des cartes pour dire ah bah là il y a sabot, ah bah ça va bien avec chaussures et paysans, ah oui mais il y a bois aussi, tac tac, ils doivent retrouver du coup quelle est la bonne association. Mais c'est un jeu qui est super sympa. Et j'imagine que c'est pas si simple que ça, que t'as pas toujours chaussures et bois qui donnent ça. Il y a des mots qui vont très bien ensemble et il y en a des fois, t'as des trucs qui ont vraiment aucun rapport et donc du coup t'es obligé de faire par élimination. Enfin, c'est vraiment c'est rigolo un petit jeu, ça. J'aime bien. Super sympa. Et donc du coup, pareil pour Monsieur Chiffre, ça se joue à partir de 10 ans, parce qu'il y a déjà un peu plus de réflexion. Ouais. Des parties, pareil, de moins d'une demi-heure, c'est vraiment un petit jeu rapide, jeu d'ambiance. Et de 3 à 6, du coup, jeu d'ambiance, dit un peu plus de joueurs autour de la table. Et ça coûte pareil aux alentours de 18 euros. Allez. Ah, ok, merci. Et ben, en tout cas, je te remercie, Charles, pour cette belle chronique. Tu as réussi à bien te débrouiller. Ouais, pour, franchement, là, il était bien dans le thème. Ouais, c'était super bien, tes jeux. Ça m'a donné envie d'y jouer. Eh ben, écoute. Oui, je vous ai un peu coupé, hein, parce qu'en fait, t'inquiète. Il y a Fadette qui va me. Mais tu coupes la tête. Je vais juste profiter du générique de fin pour faire un peu de promo, puisque vous pouvez retrouver le 26 mars à la MJC Pichon une soirée et deux spectacles. Et donc, j'ai fait la promesse au président de l'association Rodolphe qu'il y aurait 300 000 personnes qui viendraient voir ce spectacle. Donc, du coup, j'en profite. Donc, c'est le 26 mars à 20h30 à la MJC Pichon. Et je sais que Camille prendra les photos de ce spectacle. Et c'est un spectacle de quoi ? À préparer un spectacle. Oui, parce que je fais la promo, parce qu'en fait, c'est moi qui écris ce spectacle. Et donc, du coup, c'est la première le 26 mars. Donc, j'ai hâte de voir ça jouer. Donc, voilà. Donc, j'avais envie d'en profiter, ouais. Un peu de promo. Ça va être cool. Voilà, c'était l'instant melon. Voilà, le melon c'est vert, le vert c'est l'Irlande. Voilà, la boucle est bouclée. Merci, messieurs, dames. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. On se retrouve donc le 7 avril pour la prochaine voisinade où on aura peut-être un invité. Peut-être, j'espère. Peut-être. Monsieur Fèvre, si vous écoutez le podcast, j'ai envie que vous veniez autour de la table, venir avec une petite anecdote. J'ai hâte de vous voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère heureusement qu'il ne voit pas les gestes chelous que tu fais. Non, c'est pas sinon. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ne buvez pas trop de bière ce soir et au 7 avril. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée.